كانت مباشرة في درسنا اليوم. درسي 25 بس كم لسه كلمات الجديد عن العنوان إبراهيم في ضيافة حمد. إبراهيم lors de l'invitation de Hamed. Diafa, c'est l'invitation. Kelimat al-jadida. Diafa, comme on connaît, Diafa, c'est l'invitation. Da'awa, plutôt Diafa, c'est l'accueil lors d'une invitation. C'est comme ça. Da'awa, ça c'est l'invitation. Al-hadir, c'est quoi al-hadir? Celui qui est présent. Non. عكس من الغائب. دعا يدعو درس في الصنص دو انفيتي. دعا يدعو بمعنى انفيتي. مدعوون سي لانفيتي celui que tu as appelé à venir. تمام celui qui a reçu la da'wa. وقورون معنى هنا وقورون يعني respectueux. جد maman la jad je veux dire grand-père jadda grand-mère non dhamma ya dhummu c'est regrouper maana jama'a regrouper ok à côté akhadha ya'khudhu là c'est dans le sens l'attention c'est pas le fait de prendre c'est quand tu dis akhadha fulan ya'fal kadha c'est il s'est mis à faire telle chose min afal shuru' Quand tu dis Ja'ala Mohamed Yajlis, Mohamed s'est mis à s'asseoir. Akhadha Mohamed Yajlis, Mohamed s'est mis à s'asseoir. C'est-à-dire de débuter une action en fait. Akhadha Mohamed Yajlis, ça veut dire quoi ? S'est mis à s'asseoir. Là, c'est pas Akhadha, mais en apprendre, le mana qui est connu. Là, c'est dans le sens de commencer, débuter une action. Ista'zana yasta'zino, ma mana ? Se moquer. Là. Non, attends, je peux. Tu l'as pris il y a pas longtemps. J'ai pas vu. Tu l'as vu toi. Ah oui, non, mais c'est cher. Mahou ah, ça veut dire. La permission, demander la permission. Ah, Insiraf, là c'est le sens de partir, quitter les lieux. C'est Mazda de Insiraf et Insadifo. Quitter. S'en aller. Fabila Yakbalou, ça c'est accepté. وترجم جملة جملة إن شاء الله. دعا حمد إبراهيم إلى زيارته في بيته. أحمد invite إبراهيم à le visiter, lui rendre visite dans sa maison. وقبل إبراهيم دعوة حمد. إبراهيم accepté l'invitation de حمد. ولما حضر إبراهيم إلى بيت حمد استقبله استقبالا حسنا. Et lorsqu'il est arrivé, s'est rendu إبراهيم dans la maison d'Ahmed. Qu'il a accueilli d'un bon accueil. Wa rahaba bihi. Il a souhaité la bienvenue. Kama rahaba bihi al-jami' min al-aqarib. Tout comme l'ont bien souhaité la bienvenue tous ceux qui étaient présents parmi les proches. Les proches de qui ? De Hamed. Wal-jiran et les voisins qui étaient présents également. Wa jalasa fi ghurfati al-istiqbal. Il s'est assis dans la pièce d'accueil. Wa qaddama ibn Hamadin al-qahwata wa shay. Madurin et que le fils de Hamed a apporté le thé et le café pour les invités. On l'a invité d'Oyouf, mais dans le sens de ce qu'on a appelé. Wakhadha Hamedun yu'arrifu Ibrahim ala akaribi. Et que Ahmed s'est mis à présenter, on va dire comme ça, Ibrahim à ses amis. Ou plutôt à ses proches. Afin de savoir qui est Ibrahim. Wakana mbeini el hadirin shaykhun. وقورون كبير السن. Et parmi les gens présents, il y avait un homme âgé, respectueux, bon en âge. قال حمد إبراهيم هذا جدي لأمي. Il a dit ça à Ibrahim, ça c'est mon grand-père maternel. ثم أخذ حمد يعرف إبراهيم على بقية الحاضرين. Ensuite, Ibrahim s'est mis à faire connaître à Ibrahim le reste des gens présents. وكان المجلس يضم خال حمد وعمه وبعض أبناء عمه وبعض الأقارب والجيران. Et que l'assise, l'assemblée, regroupait l'oncle paternel de Hamed, ainsi que son oncle paternel, ainsi que les fils de son oncle, c'est-à-dire ses cousins, et certains proches et voisins. وبعد أن قضى الجميع وقتا طيبا في الحديث الممتع استأذنوا في الانصراف. Et après qu'ils aient passé un bon temps dans les paroles profitables et réjouissantes, ils ont demandé la permission pour pouvoir partir. وشكروا حمدا على حسن استقباله. Ils ont remercié Hamed de son bon accueil. ودعهم حمد وشكرهم على أنهم قبلوا دعوته. Et Ahmed leur a dit au revoir. Il les a remerciés d'avoir accepté son invitation. بعد هذا الأسئلة لغد يقول هل قبل إبراهيم دعوة حمد؟ أسك إبراهيم أكسبت إلى التسمد حمد. كيف استقبل حمد إبراهيم؟ كما أسك حمد رسو إبراهيم. من الذي حضر استقبال إبراهيم من بيت حمد؟ كي سلوي من الذي حضر استقبال نعم كي سكيتي بريزان parmi les gens qui ont reçu Ibrahim lorsqu'il est venu chez Ahmed. Et Najalasa al-Jamia, où se sont tous-ils assis? Man al-Sheikh ou al-Waqour ou l'Azi Koddamahu Hamadoun Ibrahim, qui est le Sheikh respectueux que Ahmed ou Hamed a présenté à Ibrahim. Matast Azana al-Hadiroun il-Nsiraf, quand est-ce que les gens présents ont demandé la permission pour partir? Kifa wadda'a Hamadoun al-Madouin, comment est-ce que Hamed a dit au revoir aux invités? الآن يملى الفراغات لمو دون لترو عندنا استقبل اتصل سبستك بس استقبل سيتي رسو يرحب في الفدو في على بيانفنو داكوليا يستأذن كلا دمون دي لفاميسيون ضيفا انفيتي انصرافا صنالي زيارتك تا فيزيت الوقور respectueux. طيب الأولى المسلم بضيفه المسلم سيزنبيته يرحب نعم. ثانيا لن أستطيع أن أقبل في هذا الوقت. Je peux accepter à ce moment. Je ne peux accepter la visite à ce moment. Thalithan zara walidi al qariyata fa istiqbalan tayyiba, que mon père a visité là le visage et d'un bon accueil. استقبله يا تي بيان رفي. رابعا على الزائر ان قبل الدخول, que le visiteur doit avant de rentrer. خامسا لقد كان وقورا, il était respectueux. نعم. سادسا تستطيع ان تعرف الرجل باحترامه لنفسه ولغيره. Tu peux connaître l'homme par son respect pour lui-même et pour autrui. الوقور. نعم. سابعا الناس بعد خروج الضيف. صرف. صرف الناس بعد خروج الضيف. ندخل في الرابع. أجيب كما في النموذج. عندنا كلمتان بين قوسين. حاضر ورجل. أصبح كان من بين الحاضرين رجل وكور. تفعل نفس الشيء مع كلمة أخرى. حاضر متكلم. كان من بين الحاضرين متكلمون وكور. نعم. منتظر مهندس. كان من بين المنتظرين. من بين. كان من بين المنتظرين. نعم. مهندس وقور. Parmi les gens qui attendent, les patients peut-être, à la valeur, hein, respectueux en général. Ba'i'un, sayyadun. Kana min bayni al-ba'i'in, sayyadun, waqurun. Il y a parmi les vendeurs, un pêcheur ou un chasseur respectueux. Muzari'un, fallahun. كان من بين المزارعين فلاح وقور. السلام عليكم. عليكم السلام. Il y avait parmi les agriculteurs un paysan respectueux. Alors, c'est notre point d'appui là. الخامس تواصل ما في قائمة ألف إلى قائمة باء. ألف يقول انصرف القارب يقوش صوت طالب أخذ العالم que le savant s'est mis à يجتمع الضيوف les invités sont réunis من حسن إكرام الضيف parmi la bonne générosité de l'invité envers l'invité on va dire non. يرتاح الإنسان. La personne se repose. لقد كان لقاء ناجحا. ناجحا. C'était une rencontre réussie. Là c'est ألف. باء. بعد العمل. Après le travail. ضم كثيرا من العلماء. Rejoint beaucoup de علماء. بعد انتهاء الزيارة. Après la fin de la visite. يشرح للحاضرين وفوائد الزكاة. A expliqué aux gens présents les l'enseignement de la zakat. Fi ghurfati al-istiqbal, dans la salle d'accueil. Husnu istiqbalihi, son bon accueil. Oula, insarafa al-aqarib. Insarafa al-aqaribu ba'd intihai al-ziyara. Naam. Akhadha al-alimu. Akhadha al-alimu yashrahu lil-hadirin fawaid al-zakat. Ahsant. يجتمع الضيوف. يجتمع الضيوف في غرفة الاستقبال. نعم. من حسن إكرام الضيف. من حسن إكرام الضيف. حسن الاستقبال. حسن استقباله. نعم. يرتاح الإنسان. يرتاح الإنسان بعد العمل. لقد كان لقاء ناجحا. لقد كان لقاء ناجحا ضم كثيرا من العلماء. نعم. طيب. الثامن ذا فاطمة مكان أحمد وزينة مكان سالم وقرأ ما يلي. يقول قبل أحمد دعوة سالم ولما حضر أحمد أسرته إلى بيت سالم استقبلهم سالم وأهله استقبالا حسنا ورحب بهم ترحيبا طيبا. أحمد accepté l'invitation de Salim et Ahmed s'est rendu chez sa famille à la maison de Salim. Salim et sa famille les ont bien reçus et leur ont souhaité la bienvenue de bonne façon, de bonne manière. Donc à la place de Ahmed tu mets Fatima et à la place de Salim tu mets Zainab. ثم يقول آه العمل التاسع فقط دع أسئلتين الإجابة التالية مثل question réponse suivante استقبل سالم أحمد استقبالا حسنا سالم a bien accueilli Ahmed كان معه بعض الأقارب والجيران il y avait avec lui certains proches et voisins ثالثا عرف سالم أحمد بجده que Salim a présenté Ahmed à son grand-père رابعا صرف الضيوف بعد أن قضوا وقتا طيبا في الحديث que les invités sont partis après avoir passé un bon temps dans la parole هكذا تمام هذا اللي غد وإن لم تفعل فسترى فإلى هنا والحمد لله